Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En 1962, sur la chaîne parisienne, on saluait Jean Gabin dans une émission réunissant des extraits d'une dizaine de ses films, pour la plupart choisis dans sa filmographie d'après-guerre. De cette époque, on peut préférer l'écho de French Cancan, du plaisir et de Touchez pas au Grisby, à celui de films taillés sur la mesure la moins exigeante du talent de Gabin. Non sans raison, on lui a souvent fait le reproche d'être devenu un notable installé dans le confort ronronnant d'une certaine tendance du cinéma français, mais on ne croise pas un Renoir, un Grémillon, ni un jeune Carnet ou un Duvivier tous les ans, et après Pépé le Moko, La Belle Équipe, Le Jour se lève et La Bête humaine, qu'a-t-on encore à prouver en s'aventurant sur des terrains incertains? Des risques sérieux, Jean Gabin en avait déjà pris en s'engageant à près de 40 ans dans les forces françaises libres. Jean Moncorgé, le plus vieux chef de char de la France libre, y avait risqué sa vie jusqu'au bout de la guerre et la carrière d'une star qui, à son retour, sans étaler ses faits d'armes, un peu oublié et les cheveux blancs, s'appliqua à reconquérir le public. Si aujourd'hui, amnésique, on rabâche les dialogues d'Audiard en ignorant Remorque, après tout, à qui la faute? Un peuple a disparu qui a, pour toujours, le visage digne et chaleureux du lieutenant-maréchal de la Grande Illusion. Les Cent Actes d'hiver, Jean Gabin, une émission diffusée la première fois le 19 novembre 1962, où l'on entendait Gabin parler de son métier, mais au téléphone, depuis un tournage à Cannes, cette année-là sans doute, celui de Mélodie en sous-sol. La radiodiffusion Télévision française vous invite à écouter Les Cent Actes d'hiver, une émission de Jacqueline Adler et Roger Régent. Aujourd'hui, Jean Gabin, avec des extraits des films Le Président et un singe en hiver d'Henri Verneuil, La Grande Illusion de Jean Renoir, Les Misérables de Jean-Paul Le Chanois, Le Baron de l'Écluse de Jean Delannoy, Le Quai des Brumes de Marcel Carnet, Rue des Prairies et Les Grandes Familles de Denis de la Patellière, Crime et Châtiment de Georges Lampin, La Traversée de Paris de Claude Autant-Lara, avec la participation de Jean Gabin. Le commentaire radiophonique de Roger Régent est dit par Robert Martin, collaboration technique René Relot. C'est avec Jean Gabin que nous allons achever aujourd'hui cette première série des Cent Actes d'hiver. Jean Gabin, dont Jacques Prévert a écrit dans un poème qu'il lui a consacré, « La voix de Jean Gabin est vraie. C'est la voix de son regard, la voix des gestes de ses mains. Tout marche ensemble. Jean Gabin est synchrone de la tête aux pieds. » Les quelques scènes que nous vous ferons entendre, puisées dans les films les plus divers, rendront plus sensibles encore, nous l'espérons, les traits essentiels de son talent. Si d'un mot, on voulait caractériser le comédien Jean Gabin, on dirait « présence », ce don unique que de très bons acteurs n'ont pas et que d'autres médiocres possèdent. Il y a des acteurs dont on dit dans le jargon du métier que l'on voit à travers eux. Jean Gabin, lui, n'est pas transparent. Si à ses débuts au cinéma, son caractère dramatique n'était pas encore fixé, il joua des opérettes, des comédies boulevardières et fut même Ponce Pilate dans le Golgotha de Julien Duvivier, il dessina très vite son personnage. Socialement, il représentait jusqu'à la guerre le type populaire de l'ouvrier ou du rebelle, mais toujours un produit de cette génération spontanée de Paris. Il appartenait à l'usine comme d'autres appartenaient à la terre. Il était l'ajusteur comme Bourville est le laboureur. Et puis la guerre passée, il entama une nouvelle carrière qui, depuis 4 ou 5 ans, évolue encore dans une direction que l'on n'eût jamais soupçonnée même en 1950. Ce rôle du président, où nous allons l'entendre, Qui aurait eu le courage de le lui proposer, même à l'époque relativement récente du Grisby et de la Marie du Port? Le président qu'a réalisé Henri Verneuil d'après un roman de Georges Simenon est de l'année dernière. C'est du Gabin à grand format, celui qui commande et domine. Quand le roman de Simenon parut, on voulut voir sous les traits de son président l'ombre de Clémenceau. Et quand on vit le film, le rapprochement se fit plus net encore. Jean Gabin ayant composé physiquement son personnage, en pensant visiblement non au Clémenceau des tranchées de 17, mais à celui de l'affaire Dreyfus, alors qu'il avait une soixantaine d'années. Dans cette scène, nous allons le retrouver à la tribune de la Chambre des députés, faisant face à une assemblée houleuse en majorité hostile. Ne retrouve-t-on pas au milieu de cet orage le vieux tigre dont André Tardieu a dit qu'il était formé dans les tumultes qui isolent et que dans ses brusqueries familières et dans ses élans de sensibilité, il était apparenté au plus haut représentant de l'esprit français? La parole est à Monsieur le Président du Conseil. Messieurs, Monsieur Chalamont vient d'évoquer en termes émouvants les victimes de la guerre. Je m'associe d'autant plus volontiers à cet hommage qu'il s'adresse à ceux qui furent les meilleurs de mes compagnons. Au moment de Verdun, M. Chalamont avait 10 ans, ce qui lui donne par conséquent le droit d'en parler. Étant présent sur le théâtre des opérations, je ne saurais prétendre à la même objectivité. On a une mauvaise vue d'ensemble quand on voit les choses de trop près. M. Chalamont parle d'1 500 000 morts. Personnellement, je ne pourrais en citer qu'une poignée. Tombez tout près de moi. J'ai honte, messieurs. Mais je voulais montrer, monsieur Chalamont, que je peux moi aussi faire voter les morts. Le procédé est assez méprisable, croyez-moi. Moi aussi, j'ai un dossier complet, 300 pages. 300 pages de bilan et de statistiques que j'avais préparées à votre intention. Mais en écoutant M. Chalamont, je viens de m'apercevoir que le langage des chiffres a ceci de commun avec le langage des fleurs. On lui fait dire ce que l'on veut. Les chiffres parlent, mais ne crient jamais. C'est pourquoi ils n'empêchent pas les amis de M. Chalamont de dormir. Ouais. Permettez-moi, messieurs, de préférer le langage des hommes. Je le comprends mieux. Pendant toutes ces années de folie collective et d'autodestruction, je pense avoir vu tout ce qu'un homme peut voir. Des populations jetées sur les routes, des enfants jetés dans la guerre, des vainqueurs et des vaincus finalement réconciliés dans les cimetières, que leur importance a élevé au rang de curiosité touristique. La paix revenue, j'ai visité des mines. J'ai vu la police chargée des grévistes, je l'ai vu aussi chargée des chômeurs. J'ai vu la richesse de certaines contrées et l'incroyable pauvreté de certaines autres. Eh bien, durant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de penser à l'Europe. Monsieur Chalamont, lui, a passé une partie de sa vie dans une banque, à y penser aussi. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Mais vous n'avez pas le monopole de l'Europe, nous y pensons aussi. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. C'est sur les principes essentiels que l'on s'oppose. Pourquoi croyez-vous, messieurs, que l'on demande au gouvernement de retirer son projet d'union douanière? Parce qu'il constitue une atteinte à la souveraineté nationale? Non, pas du tout. Simplement parce qu'un autre projet est prêt. C'est faux! Un projet qui vous sera présenté par le prochain gouvernement. Monsieur le Président, je vous demande la permission de vous interrompre. Ah non! Et ce projet, je peux d'avance vous en dénoncer le principe. La constitution de trusts horizontaux et verticaux et de groupes de pression qui maintiendront sous leur contrôle non seulement les produits du travail, mais les travailleurs eux-mêmes. On ne vous demandera plus, messieurs, de soutenir un ministère, mais d'appuyer un gigantesque conseil d'administration. Si cette Assemblée avait conscience de son rôle, elle repousserait cette Europe des maîtres de forge et des compagnies pétrolières. Cette Europe qui a l'étrange particularité de vouloir se situer au-delà des mers, c'est-à-dire partout, sauf en Europe. Car je les connais, moi, ces Européens à tête d'explorateur. La France de 89 avait une mission civilisatrice à remplir. Et quelques profits à en tirer. Il y avait des places à prendre. Le devoir de la France était de les occuper, pour y trouver de nouveaux débouchés pour son industrie, un champ d'expérience pour ses armes. Et une école d'énergie pour ses soldats, je connais la formule. Eh bien, personnellement, je trouve cette mission sujette à caution et le profit dérisoire. Sauf, évidemment, pour quelques affairistes en quête de fortune et quelques missionnaires en mal de conversion. Or, je comprends très bien que le passif de ces entreprises n'effraie pas une assemblée où les partis ne sont plus que des syndicats d'intérêt. Jean Gabin tourne actuellement un nouveau film à Cannes. Nous l'avons appelé au téléphone. Alors, monsieur Régent, je vous passe monsieur Gabin. Merci. Allô. Je ne vous dérange pas? Un peu. Non, comment? Un peu. Ben non, s'il n'y en a pas pour trop longtemps, parce qu'en ce moment, il y a une espèce de pause, là, et je vais retourner tourner. Est-ce que vous aimeriez vous mettre en scène vous-même? Ben écoutez, je pense, moi, personnellement, je n'aimerais pas ça. Ou on dirige les acteurs, ou on est acteur soi-même. Mais faire les deux, ça me paraît très difficile. Ou alors, Chaplin peut le faire, parce que c'est un cas spécial, il a beaucoup de temps pour faire un film, il peut refaire ce qui ne va pas. Mais dans les conditions actuelles du cinéma, par exemple en France, ça doit être très difficile, parce que, et jouer et mettre en scène, on ne peut pas avoir l'œil partout. Un acteur comme vous, Jean Gabin, qui avait une très forte personnalité, est-ce que dans ces cas-là, on n'est pas menacé d'être un peu catalogué toujours dans les mêmes rôles et d'attirer même inconsciemment tous les personnages à soi-même? Ça dépend du personnage qu'on joue. On le joue automatiquement, chaque acteur joue avec sa nature, mais enfin, il peut interpréter des personnages différents, puisque moi, depuis tout de même plusieurs années, j'ai interprété des personnages complètement différents, que ce soit les grandes familles, le clochard, le président, le caf sorbif, le singe en hiver, tout ça, ce sont des personnages autant différents, mais évidemment, on les ramène toujours un peu à sa nature, parce que je pense qu'on joue avec ce qu'on a dans le ventre. Bien sûr. Et vous aimez faire des rôles de composition qui vous éloigneraient beaucoup de Jean Gabin? Mais, tous les rôles que j'ai joués ces dernières années étaient des rôles de composition. Le président était un rôle de composition. Le clochard était un rôle de composition. Les grandes familles étaient un rôle de composition. C'est ce qu'on appelle des grands premiers rôles en général, quoi. Dans le temps, au théâtre, on appelait ça des grands premiers rôles, mais ce sont toujours des rôles de composition. Parce que je vous dis cela parce que dans la première partie de votre carrière, vous avez fait relativement peu de rôles de composition. Mais je ne pouvais pas. Mais tout dépend de l'âge. Dans la première partie de ma carrière, c'est-à-dire de 30, si vous voulez, à 39, jusqu'à la guerre, j'avais entre 25 et 36 ans. Et oui. Quand je suis revenu de la guerre, j'avais 7 ans de plus. Et d'ailleurs, j'étais très long à retrouver la cadence. Et aux alentours de 50 ans, on ne joue plus les mêmes personnages qu'on joue quand on en a 30. Quelle impression ressentez-vous maintenant quand vous revoyez des films très anciens de vous, comme Les Bas-fonds, Quai des Brumes, ou Le Jour se lève? Eh bien, quand je revois ces films, il m'arrive très rarement de les voir. Des fois, à la télévision, j'en vois des bouts de temps en temps. Ben, ça, c'est très net. J'ai l'impression de voir mon fils. Comprenez-vous? C'est tout. J'ai l'impression de voir mon fils. Pour moi, c'est tout à fait un autre personnage. C'est un personnage littéraire célèbre que va maintenant interpréter Jean Gabin. Si célèbre que l'on se demande s'il n'est pas historique. Il est aussi populaire que n'importe quel vrai personnage de notre passé, ce qui pour l'acteur pose un problème aussi difficile que s'il devait incarner un héros réel de notre histoire. Jean Valjean des Misérables a donné à Jean Gabin l'occasion de faire 3 compositions dans le même film. Il est à la fois Jean Valjean, Monsieur Madeleine et Monsieur Fauchelevent. Voici de la mort de Jean Valjean une scène qui donne à Gabin l'opportunité de faire une fin édifiante, ce qui ne lui fut guère permis au cours de sa carrière. Ah, mes enfants. Je vous avoue quelque chose, Marius. Je ne vous ai pas toujours aimé, mais je vous en demande pardon, il ne faut pas m'en vouloir. Vous deux aimez-vous bien, mes enfants, toute la vie. Parce que finalement, il n'y a hier qu'une chose qui compte dans le monde. S'aimer. Tu emporteras ces flambeaux, là. Ne pleure pas, mon petit. J'avais tellement peur de ne plus te voir. Tu es venu, je suis tellement heureux. Tu te souviens de Montfermeil et de la forêt? Quand j'ai porté ton seau d'eau et que j'ai pris ta petite main pour la première fois, hein? Et la grande poupée. Tu te rappelles de la grande poupée? Elle est toujours là, tu sais. Et le couvent, quand tu mettais des cerises à tes oreilles. Ah. Dis-moi, ma petite fille. Il est temps que tu saches le nom de ta mère. Elle s'appelait Fantine. Souviens-toi bien de ce nom, Fantine. Et ce que tu as eu en bonheur, elle l'a eu en malheur. Elle t'a beaucoup aimé et elle a beaucoup souffert. Avec le baron de l'Écluse, nous retrouvons Jean Gabin dans la série de ses personnages flamboyants. Ce que, outre le président, nous trouvons dans Rue des Prairies, Les Grandes Familles ou Le Gentleman d'Epsom. Dans le film de Jean Delannoy, il est donc baron, le baron Antoine. Vrai ou faux, on ne saurait dire. Quoi qu'il en soit, il a toujours vécu d'expédient, mais garde en toutes circonstances cette allure royale des grands seigneurs. Et voilà qu'il rencontre par le plus grand des hasards l'une de ses anciennes conquêtes, Perle, qu'il appelait Tony au temps de leurs amours et qui depuis a fait son chemin dans la vie galante. Ayant très provisoirement un yacht somptueux, gagné au jeu, le baron emmène Perle et les voici le cap sur Monte Carlo, sillonnant tous les canaux de France. Un jour à une escale, Perle fait la connaissance et la conquête d'un riche héritier, Maurice Maubernon, qui lui propose de l'épouser, occasion inespérée que Perle s'apprête à refuser car elle s'amuse follement avec le baron et elle sait qu'elle s'ennuiera à mourir avec Maubernon. Mais le baron Antoine, aux tempes grisonnantes, est un sage. Perle, c'est Micheline Brel. Écoute-moi bien, ma petite Perle. Si je te dis que ta vie, depuis ton premier mariage jusqu'à ta dernière liaison, n'est qu'une longue suite de conneries, tu seras d'accord avec moi. Bon. À 19 ans, t'as épousé un brillant officier. Évidemment, tu ne pouvais pas savoir qu'il était pédéraste. T'étais pas inscrit sur son képi. D'ailleurs, c'est une aventure qui n'arrive qu'aux très jeunes filles qui ont encore l'air de petits garçons. À 20 ans, j'étais divorcée. D'accord. Seulement le divorce, c'est l'avenir à condition de se remarier. Or, toi, t'as préféré vivre ta vie. T'as voulu voyager, t'as suivi le guide. Un guide qui d'abord a changé tous les 3 ans, après tous les 6 mois et ensuite tous les trimestres. Ça doit quand tu le connaissais depuis combien de temps? 2 mois. Où veux-tu en venir, Tony? Parle. Entre nous, on peut tous dire. Eh bien, jusqu'à un certain âge, j'ai plu aux femmes parce que j'avais les yeux bleus. Et puis après, il m'a fallu une voiture. Puis une plus grosse voiture. Dernièrement, il m'a fallu un bateau. Non, ne dis pas ça. Bon, c'est tout naturel. Si j'étais venu avec un sac de camping, m'aurais-tu suivi? Non, je ne crois pas. Et pourtant, Tony, je te jure que... Tu m'aimes bien, mais j'en suis sûr. T'aimes bien ton vieil acrobate. Mais on préfère un acrobate qui ne se casse pas la gueule. Tu ne te demandes pas pourquoi j'attends le mandat de Villamayor au lieu de faire venir un taxi et de regagner Paris. Ça se paye en arrivant un taxi. C'est faisable. Oh, tiens, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Moi, si. Seulement ça, c'était avoué que je m'étais cassé la gueule. Enfin, on est déjà revenu en taxi, Tony. Ça n'a pas empêché. Oui, mais c'était il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, il y avait les yeux bleus. Mais il y avait surtout 10 ans de moins. Ça passe vite, 10 ans. Tiens, regarde. Quoi, je suis pas tapé? Non, pas encore. Mais ça vient. Eh, là, ça viendra. C'est pour ça, crois-moi, ne laisse pas passer la maison avec le lierre dessus. La belle-mère qui t'appellera ma fille, la messe du dimanche et les gâteaux d'anniversaire. Saute dans le train, mon Berland, ma petite perle. Il arrive à l'heure et c'est peut-être le dernier. Faisons maintenant un bond en arrière de près de 25 ans dans la carrière de Jean Gabin et retrouvons-le au début de sa gloire sur ce quai des Brumes où il devait faire un passage inoubliable. Il avait été Pépé le Moko, le Nervi de la Casbah, le légionnaire de la Bandera et d'autres héros encore moins éclatants. Mais avec le quai des Brumes, il fit son entrée dans le monde poétique de Jacques Prévert et de Marcel Carné, en même temps que Michel Morgan d'ailleurs. Ce film, qui est un tournant du cinéma français, marque aussi une date dans la carrière de Jean Gabin. Il est le premier d'une série qui entame une époque de son art de comédien. Ce quai des Brumes, vu par Prévert et Carné, est loin géographiquement de celui décrit par Macorlan dans son roman, mais il en est proche par le cœur et par l'esprit. Nous ne sommes plus à l'écran dans ce Montmartre qui inspira ce quatrain à Mac Jacob. Paris, la mer qui pense, apporte, ce soir au coin de ta porte, ô tavernier du quai des Brumes, sa gerbe d'écume. Pour le quai des Brumes, Maurice Jaubert avait composé ce leitmotiv lancinant, la musique même de la fatalité. Et ce bar de la dernière chance où échoua face à la mer notre soldat déserteur, c'est bien aussi le bar de la fatalité. Panama, le patron lui a servi à dîner. Et puis est entrée une jeune fille. Elle s'appelle Nelly. Saurait-il déjà ce mauvais garçon perdu sur ce quai des Brumes qu'avec elle est entré son destin? Il a les traits de Michel Morgan, ce destin. Clébard, il y avait longtemps, t'as peut-être faim aussi, toi, tu vois. Il est à vous? Oui. Il a une jolie tête. Toi aussi? Tiens, t'es belle et tu me plais. En vrai, t'es pas épaisse, mais tu me plais. Comme au cinéma, je te vois, puis tu me plais. Un coup de foudre. Coup de bambou, d'amour, quoi. C'est un petit mec avec ses ailes dans le dos, puis les flèches. Les cœurs sur les arbres, la romance, puis les larmes. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes toujours pareil, quand va, vacherie et compagnie. Vous le pensez vraiment? Quoi? Bah, ce que vous dites, l'amour. Les gonzesses, c'est toujours pareil. Un fait de turf et puis c'est sentimental comme une colombe de carte postale. Qu'est-ce que vous avez dit, le turf? Ah oui, quoi. Le turf, le sapin. Pourquoi me parlez-vous comme ça? Oh, dis donc, beau mec. Tu vas pas me faire croire que t'es venu ici pour apporter une galette à ta vieille grand-mère, non? T'es pas notre petit chaperon rouge. Non, je vais te dire, c'est dommage parce que... Moi, c'est une gros méchant loup. Et il est bête, hein, gros méchant loup. Moi, je me donne bonne mine, le kaki. Dis donc. Pourquoi riez-vous tout le temps comme ça? C'est pas un vrai rire, rire triste. J'avais une femme, aimait un grifton, toi. Hein? J'aime les griftons quand ils délient à danser avec la musique et puis dans la poussière. Mais quand ils amènent tout seul le grifton avec son petit quai-bourg, ses molletières et puis son ceinturon, bah, faut voir la gueule qu'ils font. Ah là là. D'abord, je sais pas pourquoi je te dis ça, parce que... Ça n'avance à rien. Un homme et une femme, ça peut pas s'entendre. On parle pas pareil. Ils n'ont pas le même vocabulaire. Ils peuvent peut-être pas s'entendre, mais ils peuvent s'aimer. Changement complet de décor pour Jean Gabin avec Rue des Prairies. Cette fois, c'est le rôle d'un brave homme qu'il joue. Fait prisonnier en 1940, il fut rapatrié en 1942 au moment où sa femme venait de mourir en mettant au monde un enfant qui n'était évidemment pas le sien. Henri Neveu, c'est son nom dans le roman de René Lefebvre qui a inspiré le film, élève le petit Fernand comme son propre fils. Rarement Jean Gabin fut père de famille dans ses films. À cette rareté, son personnage de Rue des Prairies ajoute cette particularité qu'il n'est pas un père comme les autres. Sa fille Odette a une liaison avec un homme marié. À celui-ci, le père offensé tient un langage inhabituel. Nous nous sommes, je crois, déjà entreaperçus. Vous êtes le père d'Odette. Oui. Je fais tous mes compliments, monsieur. Et en quoi puis-je vous être agréable? S'il vous plaît, vous pourriez pas arrêter votre truc, là, qu'on puisse parler un peu. Le truc, c'est sévère. La messe en si mineur de Bach. Mais peut-être préférez-vous autre chose. Je crains malheureusement de ne pas avoir de disque d'accordéon. Oui, pour moi, la musique s'arrête au 18e. Écoutez, monsieur, j'ai pas fait une heure d'autobus et de métro pour venir prendre une leçon de solfège. Voilà, Odette m'a parlé, et comme on dit, elle m'a fait part de vos intentions. Elle a bien fait. Elle vous a certainement dit que j'étais momentanément en pleine procédure de divorce. Oui. Et que ma femme contrariait à plaisir mes projets. Oui. Peine perdue, j'aurais finalement gain de cause. Après quoi, eh bien, si vous le permettez, si Odette le désire toujours, nous nous marierons. Non. Pardon. Monsieur Pedrel, vous êtes dans la pâte à papier, moi pas. Vous êtes peut-être plus intelligent que moi, en tout cas certainement beaucoup plus cultivé, mais les vieux singes connaissent les vieilles grimaces et je crois que là-dessus on est aussi bien placés l'un que l'autre. Vous n'avez jamais eu l'intention d'épouser ma fille. Alors pourquoi lui laisser croire? Je trouve ça moche. Je ne comprends pas. Si, très bien. Odette est une enfant, elle pourrait être la vôtre d'ailleurs. Alors, comme beaucoup de gosses de son âge, elle est ambitieuse. Et devenir Madame Pedrel, Madame Pâte à papier, ça la tente, elle y croit. Et vous pensez que je me paie sa tête? Oui. Et comme vous vous êtes déjà payé le reste, je trouve que ça va comme ça. Cher monsieur, je crois que cette conversation... Et si ce mariage devait se faire, j'aime mieux vous dire que ça me plairait encore moins. Ah oui. Ça vous étonne? Un peu. Ah, parce que vous croyez que j'étais venu pour demander réparation? Le père offensé, le prolo susceptible? Vive monsieur le maire et la fête continue. Alors là, vous vous trompez, je suis pas loué pour les actes de vente. Et puis pour tout vous dire, ben j'aime encore mieux que vous soyez l'amant de ma gamine que son mari, parce que ça durera moins longtemps. Vous la quitterez un jour, vous aurez le beau rôle, et vous serez regretté au lieu d'être cocu. Ben quoi, qu'est-ce que vous croyez? Hein? Quel âge avez-vous? Vous en êtes déjà au thé aux biscottes. Bientôt, vous en serez la camomille. Pourquoi pas l'extrême onction? Si vous êtes venu pour des condoléances, vous tombez un peu tôt. Oui, pour boire le mou au Père Neveu, vous vous levez un peu tard. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, vous pouvez remettre votre messe. S'il retrace dans ses grandes lignes le roman célèbre de Dostoïevski, ce crime et châtiment réalisé en France est entièrement différent de l'ouvrage russe. Raskolnikov s'appelle René Brunel. La victime, Madame Orvet, et le policier n'est plus le fameux Porphyre, mais le commissaire Gallet. C'est le rôle que joue Jean Gabin. Une vieille usurière, donc, a été tuée. En vertu de cette vieille habitude, selon laquelle, ce sont du moins les policiers qui le disent, un assassin revient toujours sur les lieux de son crime, le commissaire Gallet fait le guet devant la porte de la victime. Un jour enfin, un garçon, René Brunel, vient rôder par là. Le commissaire engage la conversation. Robert Hossein et René Brunel. Jean Gabin, dans ce rôle, n'a pas oublié qu'il fut plusieurs fois au cinéma le commissaire Maigret de Simenon. C'est vous qui avez carré aller là-haut? J'ai entendu monter au moins 10 personnes et vous êtes le seul qui ait sonné. Est-ce que vous espériez que Madame Orvet finirait par venir vous ouvrir? Votre méthode n'est plus d'attendre derrière un bureau. Un petit peu au bureau, un petit peu ici. Ça me fait marcher, prendre l'air. Dites-moi, je viens de lire un article là-dedans. C'est signé d'une initiale, B. Et l'auteur de cet article divise les hommes en deux groupes. Un immense troupeau fait pour obéir, et l'autre, un petit groupe d'hommes de génie, que les lois ne concernent pas. Oui, oui, c'est moi qui ai écrit cet article. Pensez bien que je le savais. Alors, comme j'ai le plaisir de vous voir, j'aimerais bien que vous m'indiquiez, dans la pratique, quelles sont ces lois que l'homme de génie peut se dispenser d'observer? Sa mission est de s'insurger contre la loi pour en créer une nouvelle. Ah. D'ailleurs, beaucoup de grands hommes ont imposé leur vue comme s'en coulait beaucoup de sang. Et à quoi reconnaît-on l'homme de génie? Écoutez, je suis un homme terre à terre, mais enfin, vous ne pensez pas que pour éviter des erreurs, on devrait imposer à ces hommes exceptionnels un uniforme ou un insigne? Enfin, qu'on s'y retrouve, quoi. Et maintenant, autre chose. Qui décidera que tel ou tel individu est fait pour le troupeau ou pour le petit groupe favorisé? Hein? Qui? Non, croyez-moi, tout ça n'est pas très clair et un peu enfantin. Enfin. Mais regardez-moi ça, là-haut. Vous croyez que c'est pas malheureux, un plafond tout neuf? Cette tache-là? Eh oui, elle semble mal amorvée. Hein? Bon, ben, je suppose que vous êtes venu pour être seul. Alors, je vous laisse seul. Dans le film tiré du roman d'Antoine Blondin, Un singe en hiver, c'est le rôle d'un poète de l'aventure que joue Gabin. Un poète qui est revenu de ses voyages autour du monde, le cœur étoilé, les yeux pleins de rêves. Il fut de tout temps un superbe ivrogne, mais au schnapp et au ratafia se mêlent tous les soleils de l'Asie. Matelot et nos Luciens, veuillez armer la jonque, on appareille dans 5 minutes. Bon. Nous allons donc poursuivre notre mission civilisatrice. Et d'abord, je vais vous donner les dernières instructions de l'amiral Guéprat, rectifiées par le quartier maître Quentin ici présent. Voilà. L'intention de l'amiral serait que nous percions un canal souterrain qui relierait le Wang Ho au Yangtze-Kiang. Yangtze-Kiang, bon. Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que Wang Ho veut dire fleuve jaune et Yangtze-Kiang fleuve bleu. Je ne sais pas si vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Un fleuve vert. Vert comme les forêts, comme l'espérance. Matelot et nous. Nous allons repeindre l'Asie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde. Matelot à vos paillets. Oui, chef. Attention aux roches. Et surtout, attention aux mirages. Le Yangtze-Kiang n'est pas un fleuve, c'est une avenue. Une avenue de 5000 km qui dégringole du Tibet pour finir dans la mer Jaune. Avec des jonques et puis des sampans de chaque côté. Puis au milieu, il y a des tourbillons d'îles flottantes avec des orchidées hautes comme les arbres. Yangtze-Kiang, camarades, c'est des millions de mètres cubes d'or et de fleurs qui descendent vers Nankin. Puis avec tout le long des villes pontons où on peut tout acheter, les alcools de riz, les religions, et puis les garces et l'opium. Je peux vous affirmer, tenancière, que le fusilier marin a été longtemps l'élément décoratif des maisons de thé. Dans ce temps-là, on savait rire. Elle s'était mise sur la paille pour un maquereau roux et rose. C'était un juif, il sentait l'ail. Et la veille venant de Formose tirée d'un bordel de Shanghai. Oh, c'est beau. C'est bon de moi. C'est des vapes comme ça qui me reviennent quand je descends le fleuve. Je croyais que c'était une avenue. On sait pas. C'est peut-être un rêve qui se jette dans la mer. Après le héros sublime d'Antoine Blondin, allons à la rencontre d'un autre poète, Marcel Aimé. Dans La traversée de Paris, le principal personnage va chercher l'aventure non sur les rives dessinées sur un mur du Yangtze-Kiang, mais sur les bords de la Seine. C'est l'occupation, le blackout, le marché noir. Notre homme s'appelle Grandgilles, il est peintre de talent et sa cote est élevée chez les marchands de tableaux. Un soir, alors qu'il rôde du côté de la Halle aux Vins, il se laisse embarquer pour s'amuser dans une incroyable aventure de marché noir. Avec un pauvre bougre nommé Martin, le voici transportant à travers Paris un cochon découpé qu'il faut livrer à un client. Des mésaventures diverses leur arrivent, patrouilles, vérifications d'identité par des policiers français, et maintenant pour comble, une alerte. Comme le domicile de Grandgilles est tout proche, le peintre emmène chez lui son compagnon de fortune. Le brave Martin, qui croyait avoir affaire à un clochard, n'en croit pas ses yeux. Martin, c'est Bourville. Un peintre ? Je suis peintre, je te l'ai dit. Oh ! J'ai compris, peintre. Comme ça, moi ? Mais non, peintre. Comme ça, quoi. Oh ! Artiste peintre. Eh oui. Et c'est toi qui as fait tout ça ? Tu reconnais pas, hein ? C'est le bistrot où je t'ai rencontré. Je travaille dessus depuis une semaine. Ça vient pas mal. Ben dis donc, t'es pas dans la mendicité? J'ai jamais dit ça. Là, tiens, au fait. Tu rendras ces 5000 francs à l'égorgeur foireux qui me les a refilés. Ça y fera plaisir à ton janvier. Ben, si tu rends l'argent, comment tu gagnes ta bouffe, alors? Hé, je vais en mettre toi de parler. Tiens, tu veux un peu de café? Ça te fera pas de mal. Tu vends tes toiles? Eh oui, je commence même à être un peu cher. Alors cette nuit, c'est pas pour l'argent que t'es venu avec moi? Non, tu vois. Alors c'est pour quoi? Par curiosité, pour voir. C'est pour ça que je t'ai suivi, bonhomme. J'avoue que j'étais un peu déçu. Je vais l'imaginer autrement, le marché noir. Comment tu l'imaginais? Plus noir que ça. Bon, janvier, là, il tient pas en l'air. Tu le pousses un peu, il tombe sur les genoux. Possible, mais en attendant, moi, là-dedans. Toi, il t'exploite, le janvier. Ben, ça me regarde. Et tu n'as rien à dire, toi, l'artiste feinte. T'as donc pas après lui pour gagner ta vie? Ben alors, pourquoi, bon Dieu? Pourquoi quoi? Ben pourquoi t'as fait ça, quoi? Ah, pourquoi? Ben pour voir jusqu'où on peut aller en temps d'occupation. T'as vu comment on peut aller loin? T'as vu ce qu'on peut se permettre avec ces foireux-là? Aussi bien avec les riches comme Janvier qui se déculottent pour qu'on les dénonce pas qu'avec les pauvres, qui se déculottent eux aussi. Alors là, on se demande bien pourquoi. C'est probablement que c'est la mode en ce moment de se déculotter. Et toi, toi? Non, jamais? Non, pas encore. Ben attends un peu qu'il tombe quelque chose sur le coin de la gueule. Quelque chose que t'attendrais pas, bien sûr. Hein? Quelque chose que t'as pas voulu. Tu me le souhaites? Alors là, je rigolais, oui. Un peu, oui. Changeons de guerre. Après celle de 1939, celle de 14. Voici La Grande Illusion. Avec cette œuvre antérieure de 2 ans au Quai des Brumes, Jean Gabin incarne ce personnage d'ouvrier parisien dont nous parlions tout à l'heure. C'est la préfiguration pour lui du Jour se lève, de la Bête humaine, de cette galerie de héros prolétariens où il va se distinguer. Dans le film de Jean Renoir, 3 Français prisonniers, camarades de flag, représentent 3 aspects de la société moderne, l'aristocrate, le banquier, le prolétaire. C'est une scène entre ces 3 hommes dont le comportement en face de la guerre est le sujet du film que nous allons entendre. Pierre Fresnay est l'aristocrate. Vous voyez, presque toutes les sentinelles sont sur le dos des Russes. Tiens, regarde, par exemple, ici, il y a une sacrée hauteur, mais il n'y a plus personne. Ah, si on avait été prêts, quelle occasion, jeter notre corde, là, puis au moins de 2, ça y était. Ah, surtout, c'est presque la nuit. Eh bien, nous n'avons qu'à commencer. Alors, vous allez mettre ces trucs-là. Si ça ne vous gêne pas? Non, mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas. Chacun son point de vue. Oui. Ah, mais enfin, vous ne pouvez donc rien faire comme tout le monde. Il y a 18 mois qu'on est ensemble, et on se dit encore vous. Je dis vous à ma mère, et vous à ma femme. Non. Alors. Cigarette? Non, merci, le tabac anglais me fait mal à la gorge. Ah, décidément, les gants, le tabac, tout nous sépare. C'est avec Les Grandes Familles que nous terminerons cette vue cavalière de la carrière cinématographique de Jean Gabin. Les Grandes Familles qui lui apportent l'un de ses rôles les plus pleins, les plus robustes. Dans l'adaptation du roman de Maurice Druon, il est l'un des plus puissants hommes d'affaires du monde. L'empereur de la dynastie des Schulder. Ce n'est pas un sentimental et pourtant, un jour il se détend, il s'attendrit presque en racontant à sa belle-fille, le rôle est tenu par Françoise Christophe, les débuts des sucreries de Sonchel, l'une des perles de la couronne Schulder. C'est curieux. Pour moi, Sonchel, c'est un tas d'actions en bourse. Et puis un nom sur des boîtes de sucre. Mais je voyais ça plus important. Oh, mais ça l'est, ça l'est. Vous y ajoutez la raffinerie. 3500 hectares de terre, là, au-dessus. Une ligne de chemin de fer, un port pour les péniches, tout ça s'appelle Schulder. Ce sont les Schulder qui ont fait la prospérité de la région. C'est le berceau de la famille. Mon arrière-grand-père était un gros cultivateur dans le pays. C'est mon grand-père qui a fondé l'usine. Et mon père y a passé toute sa vie. Il était debout le matin à 6 heures, ma mère aussi d'ailleurs. Il y avait 5 domestiques à la maison, mais c'était elle qui lui faisait son café et qui lui nouait sa cravate. C'était un couple. Et le matin à 7 heures, il était à la porte de l'usine pour voir si personne n'était en retard. Il s'absentait jamais. Sauf le jeudi et le dimanche pour venir me chercher au collège, après la messe. Ces jours-là, il ne prenait jamais un repas sans moi. Et je le vois toujours à table, avec sa serviette nouée autour du cou, mettant du vin rouge dans son potage. Il adorait ça, le vin rouge dans le potage. C'était un vin qui venait de la propriété du grand-père Giraud. Il était imbuvable, mais pas question d'en changer. Je crois qu'il était un peu avare, mon père. François est le premier Choudlaire qui sache dépenser l'argent. Il le dépense bien, d'ailleurs. Vous aussi? Oh, moi, c'est par la force des choses. Je ne suis pas tellement sûr d'aimer ça. François a dû hériter cette vertu des lamoneries. Pour cela. Je ne parle pas de votre belle-mère, qui est une sainte femme, mais les autres. Non, voyez-vous, les lamoneries ont flatté la vanité que j'avais à un certain âge, mais finalement, je me demande ce qu'ils m'ont apporté. Et les maniaques Laval? Vous m'avez fait un cadeau inestimable, mon petit-fils. Je ne vous en ai jamais remercié, d'ailleurs. Entre nous, je l'ai fait un peu pour moi. Enfin, voici Jean Gabin royal, dominateur, impitoyable. Son fils François, c'est Jean de Sailly, déjà pressé de devenir le patron, relève la tête. Avec quelle puissance souveraine son père va-t-il le mettre au pas? Nous retrouvons là, après le président qui ouvrait ce panorama, le Gabin musclé et à forte carrure, dont Madeleine Renaud a dit un jour « Je le considère comme le plus grand acteur du cinéma qui existe actuellement. » Moi, j'en ai plein le dos. Et cette fois-ci, je me suis pas gêné. Je lui ai dit ce que je pensais de ses méthodes. Je lui ai dit mon opinion sur le journal. Et par la même occasion, je lui ai dit que... Tu lui as dit quoi? Tu lui as dit quoi? Comme je suppose que vous venez d'écouter. C'est même la deuxième fois de la journée. Car cet après-midi aussi, je t'ai écouté. Gentiment, sagement, parce que nous n'étions pas seuls. Ne me dites pas que la chaume vous gênait. Il est toujours gênant devant les étrangers de traiter son fils de morveux. Oui, de morveux. Je ne vous permets pas! Tu n'as rien à me permettre. Ni à mon journal, ni chez moi. Pour permettre, il faut pouvoir interdire. Il faut être le patron. Et le patron, c'est moi. N'oublie pas que tu es une fille choulée, hein, quoi, c'est tout. Tout ce que tu as été dans ton berceau et tout ce que tu es, c'est moi qui l'ai payé. Car j'ai tout payé! Y compris ta sortie de Polytechnique, ta Légion d'honneur et ta femme. Mon père, je vous en prie. Quoi, mon père? Je sais que vous l'aimez, qu'il vous aime, mais est-ce que Jacqueline de Magnac-Laval aurait épousé le fils d'un balayeur? Hein? Non, alors? C'est comme tailleur, je ne dis pas que tu ne l'as pas faite. C'est vrai? Oui, mais tu l'as faite dans un escadron de fils d'archevêque, avec des bottes payées par papa. Ah non, ça suffit! Ma blessure aussi, c'est peut-être vous qui l'avez payée. Il est vrai que vous auriez sans doute été prêt à le faire. En 44, un héros dans la famille, c'était pas du luxe. Un héros? Mais il y croit, ma parole! Mais il y croit! Dis-toi bien que si j'avais eu besoin d'un héros, comme tu le laisses entendre, j'en aurais fabriqué un qui soit plus représentatif. Un de ceux qui flatte les familles et qui n'emmerde personne. Un faux. Vous ne trouvez pas cette forme de cynisme un peu écœurante? Quand mon fils vous disait tout à l'heure si plaisamment que j'étais un homme usé, un sénile, vous aviez le cœur mieux accroché, hein? Bonsoir. Des grandes familles était un magnifique personnage pour un acteur. De plus, j'étais servi par un magnifique dialogue d'Audiard et entouré de magnifiques acteurs. De Sailly était, c'est un acteur que j'aime beaucoup. J'ai tourné d'ailleurs plusieurs fois avec lui. Je suis navré de ne pas tourner plus souvent parce que je trouve un magnifique acteur. Et tous les personnages qui étaient avec moi, Bernard Blier, qui est un magnifique acteur aussi, avec qui j'ai tourné beaucoup de films. Comprenez? Je pense qu'on ne joue pas la comédie seule et que le personnage des grandes familles n'aurait pas été ce qu'il était si j'avais pas eu devant moi des acteurs dignes de jouer les autres rôles. La radiodiffusion Télévision Française vient de vous présenter Les 100 actes d'hiver,